Je t'aime le samedi, je t'aime tout le mois. Je t'aime la nuit, je t'aime toujours. Je t'aime aussi, oui, je t'aime le jour. Je t'aime toute nue, je t'aime de plus en plus. Je t'aime si fort et je t'aime encore. Et je n'aime que toi et je ne veux que toi. Et je suis à toi, alors fais-moi là. Fais-le-moi là, fais-moi là, oh, fais-la moi. Fais-moi l'amour, moi je veux te faire là. Fais-moi l'amour, moi je veux te faire là. Je veux te faire là, te faire là. Je veux te faire là, oui, te faire là. Te faire l'amour, te faire l'amour. Je veux toujours te faire l'amour. Je me sens comme un gamin.